Prêt pour un peu de nouveauté? C'est la chance au coureur! Hey, hey, bonjour et bienvenue à La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou cette semaine. Et puis, ben, cette semaine, du francophone, c'est comme ça qu'on aime commencer. On a reçu un nouveau single d'Alexandre Billiard. On écoute tout de suite une pièce de son album Demain la peur. Voici ici dans le ciel, à La Chance au coureur. Alexandre Billiard à la formation 011. Tout de suite, à la chance au coureur. et Park de 011 et on écoute une deuxième pièce de cette formation. Voici Musique et ensuite on parle de ça au complet. Au retour. Juste avant, c'était la pièce Clark et Park, et avant ça, Alexandre Béliard et Ici dans le ciel. Parlons en ordre de tout ce qu'on vient d'entendre, faisons des mini-bios. Commençons par Alexandre Béliard, on a entendu une pièce, un single. C'est le premier extrait de son nouvel album Demain la peur, qui va paraître le 1er mai. Après nous avoir offert quelques extraits de son premier album Piège à con, qui a reçu des critiques fort élogieuses, Alexandre Béliard nous offre un avant-goût de son deuxième opus en nous proposant la fort jolie chanson Ici dans le ciel. Évidemment, c'est un communiqué de presse. Cet extrait fait partie d'une série de chansons reliées entre elles, composant l'univers dans lequel évolue un personnage qui, à force de désillusion, quitte l'humanité et la terre qu'elle habite pour se réfugier dans les profondeurs de l'océan. Loin des hommes et de la bêtise, Ici dans le ciel dépeint ce qu'il voit, vit et ressent dans son nouvel environnement. Revêtant leur scaphandre à leur tour, Hugo Perrault et Philippe Brault se sont joints à Alexandre pour réaliser et arranger cet épisode. On reconnaît sa plume et l'attention toute particulière portée au texte, avec toutefois une évolution plus que palpable, tant dans la facture musicale que dans la réalisation. Alexandre Béliard suit son bonhomme de chemin sans concession ni acte de rébellion. Il est comme il est et on l'aime comme ça. Oh que c'est beau ces petits documents de presse là, c'est honnête au bout. Ensuite, on a entendu la formation 011, le chiffre 011, avec deux pièces Clark et Park, et puis Musique, parlons d'eux. C'est un groupe d'électro-pop visuel. Ils se disent du New Wave. Ils viennent de Montréal, au Québec. Ils sont situés au myspace.com/pop011. Sur leur MySpace, vous pouvez entendre la pièce Clark et Park et d'autres qu'on n'a pas entendu aujourd'hui, et même télécharger Musique. Et ensuite, Tombe pour la France, et c'était la première. Ils vont être en spectacle à Montréal avec Télémac, et ça va être au Zoo Bizarre le 16 mars, c'est-à-dire ce soir, si vous écoutez la diffusion originale du vendredi matin, c'est à 22h. Le 11 avril, ils vont être à 14h au 105 à Montréal, à l'émission Electropop Machin sur les ondes de CIBL. Et le 20 avril à 22h01, plus Automélodie, plus Québec Connection au Zoo Bizarre, c'est à Montréal aussi. Voilà, donc superbe, 011, myspace.com/pop011, un groupe très intéressant, découvert via l'émission qu'on ne pluggera jamais assez à chaque jour et dans chaque émission. C'est Chaud devant la relève, les lundis matins à 11h, c'est eux qui nous ont présenté ce joli CD. Les Chaud devant la relève, lundi, 11h, on en parlera tantôt encore. Maintenant, on passe avec un autre groupe, on change un petit peu de style, je crois. On s'en va entendre, évidemment, rappelons aux gens qui viennent de se joindre à nous que vous écoutez La Chance au coureur, l'émission qui surfe sur les nouveautés musicales. Ceux qui ne connaissent pas encore le concept, c'est facile. À chaque semaine, C'est Fou reçoit des barges de nouveautés. Et un à un, on les écoute comme ça, sans les avoir écoutés d'avance. On se fait des genres de petits jugements automatiques sur certains d'entre eux. D'autres deviennent des succès, j'allais dire, locaux. Après ça, provinciaux, peut-être nationaux et internationaux. Ça en finit plus. Donc, c'est ça, on découvre des choses avec vous, des choses qui pourraient finir potentiellement sur les palmarès de C'est Fou. Ça arrive fréquemment, et par fréquemment, je veux dire à chaque semaine ou presque. Donc, voilà, comment on continue avec un autre groupe qui s'appelle Les Vautours. Leur album s'appelle Rococarbure. Et c'est apparemment très, très rock quand tu dis rock dans le nom de ton album. On va entendre la pièce Les Deux Pieds. Et puis ensuite, bang, bang, Les Vautours. Ça se passe maintenant à La Chance au coureur. Les Vautours et Bang Bang, et on continue avec Sale Connard. Là. Là. Vautour avec quatre pièces ici à la chanson coureur. On vient d'entendre Rocco Carbure, la pièce titre. Avant, c'était Sale Connard, Bang Bang et Les Deux Pieds au début du bloc. Regardons un petit peu les Vautours. Qu'est-ce que c'est en lisant leur document de presse reçu cette semaine assez fou? Réglez le volume de vos écouteurs, car les Vautours reviennent en force avec son rock'n'roll coloré et 100% francophone. En effet, ce premier album complet se dévoile beaucoup plus mature que les deux précédents hippies reconnus pour un son et une réalisation beaucoup plus garage. Avec Rock au carbure, ces jeunes musiciens originaires du Saguenay se révèlent fort épanouis. Avec ses compositions aux mélodies enjôleuses, des titres comme « Sale connard » ou « Bang bang » vous accrocheront un sourire aux lèvres. Avec une réalisation de « Ça va la pointe », oh, wow, mais quelle coïncidence! Pour vrai, ce n'était pas prévu du tout, mais c'est signé « Sabin la pointe » qui travaille avec Surferinho. Surferinho qui est le nouveau thème de la chanson au coureur depuis quelques semaines. Gros hasard. On découvre un album à la section guitare plus découpée, des voix encore plus claires et assumées avec une sonorité s'approchant un peu plus du country. Enregistré au studio Electric Bones, ceux qui travaillent avec Doba Caracol et Champion, ce premier opus promet d'égayer vos soirées ennuyantes, car dès les premières leur entrée devient contagieuse. Lancé sur l'étiquette indépendante méga fiable, ceux qui travaillent avec les prostiputes, d'ailleurs les prostiputes sont très très près de ce band-là, tenez-vous le pour dit, les vautours vous surprendront merveilleusement avec ce premier effort complet. Ils disent ici, on a connu les Vautours grâce à leur succès Tête de mort, qui a envahi les palmarès des radios universitaires et indépendantes du Québec. Depuis plusieurs années, les Vautours nous livrent des concerts rock'n'roll festifs un peu partout sur la charmante île de Montréal. Vous pouvez aller visiter le megafiable.com pour les autres dates de lancement, parce que le lancement d'album, c'était le 7 mars dernier au Divan Orange. Et voilà. Et sur leur MySpace, qui est au myspace.com/Vautours, ça dit que c'est un band de rock punk de garage de Montréal et Chicoutimi. Voilà, vous pouvez entendre les pièces qu'on a entendues ce matin sur leur MySpace aussi. Les Vautours, voilà pour ça, l'album s'appelle Rock au carbure. Maintenant, continuons sur notre lancée de musique francophone dans cette première heure, mais avec quelque chose, encore une fois, de complètement différent. On a reçu l'album La Patente Live de Daniel Boucher, et puis on va aller entendre une pièce de ça. J'ai essayé d'en trouver une qui était un petit peu plus courte que les autres, ce qui a l'air, ma foi, un petit peu difficile à faire, étant donné que c'est un album live, mais on écoute tout de suite la pièce sympathique Coley, ou Coley, quelque chose du genre à la chance. Au courant, merci. Okay. Ah, vous êtes fin. Ah, vous êtes... L'histoire se passe dans un taxi. Ben non, en plein centre-ville, en pleine heure de pointe, en plein soleil, en plein béton, son cellulaire le lâche en pleine conversation. Son laptop est mort, puis lui est en tort, encore. Le deal est sans issue, puis lui, issue. Non, non, ce n'est pas de la pluie. Oui, oui, le front, lui, lui! Il slaque sa cravate. Il watch dehors. Un chien gambade entre les chars. Le poil au vent. Le cœur léger. Appréciant son jour de congé. Il se surprend à souhaiter être ce sympathique Coley. Sympathique Coley, gambadant en plein boulevard, t'as donc ben pas attendre, emmène-moi quelque part. Moi, touche tout de toi et bord. J'aimerais ça le faire comme tu le fais, toi. Courroyer, mais sans effort. C'est comme en prenant le temps de regarder. C'est-tu le fun dehors? C'est-tu le fun le sport? C'est-tu le fun jouer? C'est le fun encore, j'ai oublié que c'est, j'ai trop de budget prévisionnel à présenter. T'as pas de l'air à forcer fort, t'as pas trop de l'air à trop te stresser. T'as pas même vu le trafic dehors, t'as pas même peur de te faire frapper. T'as pas de retard, t'as pas même d'honoraire à charger. T'as pas de remords. T'as pas de boss ni d'employé. T'as pas de crosse à camoufler. T'as rien à cacher, toi. Daniel Boucher est sympathique que cool et ici à la chance au courant. Ça vient de son album La Patente Live. Parlons un petit peu de cet album-là. C'est un album double. Donc, Daniel Boucher ne fait pas les choses à moitié, il les fait plutôt en double, avec une forte dose de rock et une énergie débordante, selon le document de presse. Ce qui veut dire, pour les fans, un double plaisir à savourer La Patente Live, un album double CD-DVD qui est en vente depuis le 13 mars. Daniel Boucher et son band ont immortalisé le dernier spectacle de la tournée québécoise La Patente, Happening Rock, qu'ils ont présenté en plein air le 2 septembre 2006 à l'amphithéâtre de Lanaudière, dans le comté de Joliette, où Daniel a grandi, et devant près de 2000 personnes en liesse. Et il a non seulement sorti ça, mais aussi lancé un autre album double, Chansonnier. Le spectacle solo acoustique de Daniel Boucher, présenté au Québec en 2005-2006, est acclamé de toutes parts, prend la forme d'un album double chansonnier, lancé encore une fois le 13 mars. Seul en piste, Daniel Boucher s'amuse ferme à réinterpréter ses chansons comme un retour aux sources et comme le font tout simplement les chansonniers. Voilà pour Daniel Boucher, deux albums chansonniers et puis La Patente Live. On transitionne à un autre band, en fait, c'est Alexis Loranger. Son album s'appelle 33 tours et on écoute tout de suite la pièce Ras-le-bol. À la chance, au courage! Ras-le-bol des multinationales, financières, bancaires et vénales. Ras-le-bol de payer des impôts quand y a des paradis fiscaux qui blanchissent plus blanc que blanc l'argent des gros et des puissants. Ras-le-bol. Ras-le-bol de ces écervelés qui prétendent nous gouverner, qui n'ont d'oreilles pour écouter que les millionnaires subventionnés, les parasites des lobbies pour qui trop c'est jamais assez, les ayatollahs du pétrole dont ils ne sont que des guignols. Ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de ces voisins qui pensent que tout leur appartient. L'oncle Sam et ses copains qui veulent que j'engraisse leur embonpoint. Pendant qu'ils salissent mon air, change mes forêts en désert. Ras-le-bol. Ras-le-bol de tous les charognards, tous les bouchers, tous les barbares. Pour qui la guerre, c'est un jeu hot, qui veulent l'univers sous leurs bottes. Le jour où ils voudront mon eau, ils m'enverront leurs généraux. Faudrait que je leur mange dans la main, surtout que je ne dise rien. Ras-le-bol. Ras-le-bol du cerveau reptilien, de tous les pouvoirs assassins. Ras-le-bol de tous les militaires, faudrait leur mettre une muselière avant qu'avec leurs arsenaux, ils nous changent en viande de McDo. Ras-le-bol. Ras-le-bol de toutes les tempêtes qui provoquent sur la planète. Ras-le-bol de ces incendiaires qui voudraient faire flamber la terre. Pendant qu'ils nous préparent une fête, on laisse traîner des allumettes. Il faut croire qu'on est maso, qu'on a pas mal moins de cervelle que les oiseaux. J'en ai ras-le-bol de l'insignifiance et ras-le-bol de l'indifférence. Ras-le-bol des lourds automisés, bouffés par la publicité. Par de langage aseptisé, du grand mensonge et tatisé. Ras-le-bol. Ras-le-bol de tous les mercenaires, du nucléaire, des bottes en guerre et des drapeaux et des bannières, de la spéculation poussière, des frontières et des ornières, de la bêtise multimillénaire. Ras-le-bol du gouffre sans fond qui nous crue jusqu'au grognon. Ras-le-bol du gouffre sans fond qui nous crue jusqu'au grognon. Ras-le-bol du gouffre sans fond qui nous crue jusqu'au grognon. Ras-le-bol du gouffre sans fond qui nous crue jusqu'au grognon. Ras-le-bol! Encore une fois, vous me dites? Hein? Non, encore une fois, c'est le nom de la prochaine pièce de Alexis Loranger de l'album 33 tours à la chance au coureur. Maintenant. J'attends un coup de fil, attendre ça me déprime. J'suis toujours prêt à sortir, à faire le monde à partir. J'attends un coup de fil, attendre ça me déprime. J'suis toujours prêt à sortir, à faire le monde à partir. Mais encore une fois ce soir, j'suis seul au bord de la nuit. Mais encore une fois ce soir, je m'ennuie. Je fais que flâner tout seul dans mon lit, tout seul dans ma vie. Toute la journée, je me traîne les pieds. Mais lorsque vient la nuit, y'a quelque chose en moi qui crie. Mais encore une fois ce soir, je suis seul au bord de la nuit. Mais encore une fois ce soir, je m'ennuie. Je sais pas si c'est normal, je sais pas si c'est banal d'être un oiseau de nuit, d'aimer à tout prix. Être animal, c'est peut-être immoral, mais lorsque vient la nuit, j'aime à tout prix. Mais encore une fois ce soir, je suis seul au bord de la nuit. Mais encore une fois ce soir, je m'ennuie. Si c'est banal d'être un oiseau de nuit, d'aimer à tout prix, ça doit être animal, c'est peut-être immoral, mais lorsque vient la nuit, j'aime à tout prix. Mais encore une fois ce soir, je suis seul au bord de la nuit. Mais encore une fois ce soir, je m'ennuie. Mais encore une fois ce soir, je suis seul au bord de la nuit. Mais encore une fois ce soir, je survis. La seule radio musicale. Je me suis laissé prendre au rêve de la nuit. J'ai découvert des mots lumière aux notes de mon piano noir. J'ai dessiné des soleils écarlates pour brûler tout ce qui me restait de ma mémoire. Quelque part, mon âme, mon amour, quelque part à la fonte des neiges, aux rivières belles et tumultueuses, aux forêts repeuplées de musique et d'ailes. Il faudra bien que l'amour nous recommence. Nous recommence quelque part, quelque part, quelque part. Je me suis laissé prendre aux routes du hasard. J'ai inventé des gestes fous pour faire enfin fondre l'hiver. Et j'ai dansé autour du temps troublant, au bout des grands espaces blancs de ce pays. Quelque part, mon âme, mon amour, quelque part à la fonte des neiges, aux rivières pleines et tumultueuses, aux forêts repeuplées de musiques et d'ailes. Il faudra bien que l'amour nous recommence. Nous recommence quelque part, quelque part. Il faudra bien que l'amour nous recommence. Nous recommence quelque part, quelque part, quelque part. Ah ben oui, c'est Alexis Laranger avec l'album 33 tours. On vient d'entendre trois pièces ras-le-bol encore une fois. Et puis il faudra bien que l'amour qu'on vient d'entendre. Et bonjour à Noël. Celui-là. Celui-là. Les trois. Les trois, yeah. Salut Mathieu. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Ouais, ben c'est cool ça, que t'arrives comme ça. Eh oui, et toi ça va? Oui. Ok. Ah, hey. Tout va bien. Ouais. Alexis Laranger, qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, c'est du bon son. Ça fait tendance Luc de la Rochelière. C'est vrai. Mais bon. Mais ouais. c'est plaisant à écouter. Oui, absolument. L'album s'appelle 33 tours, et puis c'est dans le French Pop. C'est québécois, hein, vous l'avez sûrement deviné. AlexisLaranger.com ou myspace.com/AlexisLaranger. Et je crois même que j'avais une feuille là-dessus. J'en ai-tu des affaires à préparer? T'es impressionné, hein? Oui. Alexis Laranger, compositeur, musicien, interprète, met en musique 14 chansons originales sur des paroles signées Francis Namelin et un paquet d'autres gens. Le disque de la chanson francophone teintée de folk rock entre espoir et mélancolie. 33 tours, c'est de la chanson poétique et puis les influences de Renaud Avignon. En passant par le fado et le flamenco, sans oublier le violoniste Stéphane Grappelli. Et le CD de 14 chansons est distribué chez les disquaires par Local Distribution. C'est en magasin maintenant. Et le lancement aura lieu à Montréal le 21 mars au sympathique bar Le Vert Bouteille sur Montréal-Est. Et voilà, c'est le tour de ça. On passe à trois gars sur le sofa. Ce qui serait une belle situation à avoir dans notre studio. au moins un sofa, je parle pas oui, de trois gars. Toi, c'est ça, plus? Oui, moi. L'album s'appelle Des Cobras, des Tarentules. Ça dit tout. Oui. Hein, j'espère que c'est qu'il y a plus que ça sur l'album. On va aller voir. On va aller voir ça. Voici L'île de Pâques et la pièce Véronique, juste après. Où ça? Ben, à la chanson coureur. Ça pourrait pas être ailleurs. Hein? Sur C'est fou. 89.1. FM. Oh! Quand tu marches sur l'île de Pâques, t'entends les statues qui jasent, qui se demandent s'il y en a d'autres statues ailleurs. T'as le temps de te demander ça longtemps quand t'es une statue de l'île de Pâques. Statue de l'île de Pâques. Voici Véronique de Trois Gosses et le Sceau. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. À la chance au coureur. Sur le sofa, je sais pas c'est qui. Le frigo est en feu, le chat coupé en deux. Commençons que sur le plancher du salon, y'a des traces de pneus. J'ai l'air un peu perdu, c'est ça qui m'a dit mon voisin d'en haut. Après m'avoir renversé un peu de café, sa tête par le trou dans le plafond. Regardons, y'a un trou dans le plafond. Et ça me fait rire. J'suis pas vraiment chez nous. Ça sort quand le parfum de ton cou. Plane encore. J'vais aller m'acheter du lait. Maudites qui sont belles, les bains de lait. Les fleurs sont belles, pis ça sent bon en ville. Au coin de la rue, j'ai fait un chèque de mille. J'prends tout le monde dans mes bras. Y'en a qui aiment pas trop ça, mais y'en a qui aiment pas mal trop ça. J'pense que j'devrais arrêter ça. J'écoute les infopubs, j'achète tout plein de produits. Un appareil pour affermir les muscles de mes sourcils. J'ai mal la bonne humeur, j'vais chez ceux qui sont tristes. C'est vrai que j'en mets un peu quand j'ai la main tous les cyclistes. Et ça me fait rire. Tout le monde a une face drôle, on dirait qu'ils comprennent. Ce qui m'arrive, je plane encore. Je me mets du plomb dans les poches. Je m'attache à une clôture avec la broche. Ça fait 3 heures que je fixe. Soin de rien dans ma tête. Y'a un film qui passe, puis je trouve bon. Tu joues tant pis, ça finit bien. Trois gars sur le sofa avec la couleur de ton choix. Hey, laquelle? Ça serait quoi donc? Attends, je gris aujourd'hui. Indigo. Indigo, ah ouais. Ouais. Ouais. Ça te dira rien. Un soleil en coin, des M qui volent, pis les triangles, c'est des sapins sur une napkin à café. C'est sûr que c'est un peu moins invitant, mais des fois je me dis que cette place-là existe vraiment. Je vais faire un paysage, mais ça te dira rien. Un soleil en coin, des M qui volent, pis les triangles, c'est des sapins sur une napkin à café. C'est sûr que c'est un peu moins invitant, mais des fois je me dis que cette place-là existe vraiment. Trois gars sur le sofa, la chanson coureur. On vient d'entendre plusieurs pièces d'eux. Oui, tellement de pièces, mais si peu de temps, comme on dit. Oui. C'est vrai. Donc, on a entendu l'île de Pâques, Véronique et la couleur de ton choix. Dans quelques secondes, vous l'avez deviné, on va entendre une pièce qui s'appelle Trois, mais qui est la quatrième de l'album. Spécial? Ouais. Oui. Original. Ouais, ben, on est comme ça. Ben oui. Okay. À la chasse coureur, on est original. Ben oui. C'est la fin de la première heure, ou presque. Donc, faisons un petit récapitulatif. Oui. De ce qu'on a joué. D'accord. Mais avant, ce serait plus logique de parler un petit peu de Trois gars sur le sofa maintenant que j'y pense. Tout de suite. Alors, puisons dans un univers délicieusement singulier, des cobras, des tarentules, des trois gars sur le sofa, mais de l'avant en folk coquin et gentil, et ronde mélodie de guitare acoustique et harmonie vocale au doux parfum de vanille. Oh. Sans prétention aucune ni venin, le trio formé de Guillaume, Nicolas et encore Guillaume, le bassiste, donne voix à des textes éclatés issus d'un quotidien et d'un imaginaire saugrenu. Bon, bref, si vous voulez en savoir plus, vous allez vous taper le www.3gss.ca. C'est beau. Voilà. 3gss.ca comme dans 3 gars sur le sofa. Exactement. C'est beau. C'est juste l'abréviation. Et puis, ben, leur album est disponible partout. Et il s'appelle encore une fois Des Cobras, des Tarentules. C'est ça. On écoute la quatrième pièce de l'album qui s'appelle 3. Et c'est tout de suite à la chance. Au courage. Restez avec nous. J'aime ta prononciation de Guillaume. Ça, c'est vraiment beau. Trois Guillaume. Moi, je sais, c'est beau. À côté de lui, un et deux, on a des yeux, surtout un. Parce qu'il boit trois. Ce chiffre gagne à la preuve, écoute les Olympiques, tu vas te rendre compte que ses podiums sont tout en trois. C'est le meilleur chiffre de toute l'école, il y avait son truc pour toute l'école. Quand la démarche fonctionnait pas, que le monde te méprisait tout bas, t'entendais à travers le tas. Tu connais pas ta règle de trois. Pourquoi tu penses que puis toi, vous fasses les quatre roues et t'es jaloux quand tu vas chez McDo? Prends-tu un mois, tu as ou un trio quand les génies sortent de leur lampe? Pis t'offres trois vœux, pas 10, pas 30. Ah ouais, viens t'en faire du trois ski. Je sais que ça te tente. Trois. L'amour, c'est bien plus fun à trois. Mais par exemple, une fille, un gars, parce que sinon, ben moi, je m'en vais. À trois, rivière, ou trois, pistole, ou trois, rivière du loup. Trois accords, une bonne chanson. Deuxième heure de la chanson au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est Fou 89 FM cette semaine. Je voulais revenir un petit peu sur les trois gars sur le sofa qu'on a entendu tantôt. Là. J'ai oublié de dire qu'ils étaient en spectacle demain pour ceux qui écoutent la diffusion originale du vendredi. Ça se passe samedi le 17 mars à 18h au Café Zira. Allez voir, ils vont être avec Nevé Confi, Carl-Éric Hudon, Trois gars sur le sofa, Major Bidet. Ça va être génial. Donc allez voir myspace.com/3GSS pour plus d'informations sur ce spectacle-là. Et plusieurs autres vont être à Saint-Hyacinthe, à Montréal et à Saint-Jean-sur-Richelieu pendant le mois de mars et d'avril. Maintenant, on commence la deuxième heure qui va être plutôt anglophone, même presque complètement. Hein. On commence par Kings of Leon. Leur nouvel album s'appelle Because of the Times et ça sort le 3 avril. Voici On Call. À la chance, au coureur! Call me now, baby, and I'd come up running. If you'd call me now, baby, I'd come a running. Kings of Leon. Ah oui, c'est vraiment très beau, c'est reposant. Ça fait penser à du TV on the Radio que tu devrais écouter. Ben, je devrais, j'ai entendu le nom souvent, et puis juste le nom, c'est TV on the Radio. Fait déjà que je devrais aimer ça. Ah oui, c'est clair. Mais non, je connais pas. Vraiment, tu écoutes ça. Je vais me, comme on dit, procurer cela. Exactement. Comme Kings of Leon, que vous allez pouvoir vous procurer à partir du 3 avril. Ça sent bien, ça, là. On l'a reçu dans une belle pochette. Ouais. Blanche, transparente. Ouais, c'est ça. C'est une boîte de plastique. Ouais. Mais quand même, l'album est complet. On l'a reçu au complet ici, donc on est très heureux de la compagnie qui nous l'a envoyé. Ouais. C'est un groupe de Nashville aux États-Unis. Ah ouais. Ils font dans le rock. Et puis, il va être, comme je disais, le 3 avril aux États-Unis, le 2 avril au Royaume-Uni. Si ça vous intéresse d'aller là un jour avant. Bah oui, pourquoi pas. Les fans, comme ça. Ouais, voyager, partir à l'aventure. Ben oui. Kingsofleon.com et leur site, Caleb Followill, Matthew Followill, Jared Followill et Nathan Followill. Hein? Des Followill. Un petit lien entre eux autres, j'imagine. Je pense. Mmh. Des prêts. Peut-être. Mmh. Peut-être que c'est comme dans les bands où les gens prennent des pseudonymes. Oui, aussi. Enfin, voilà, ça c'est Kings of Leon. C'est fait. Petit crochet. On passe au suivant. C'est Dr. Dog avec We All Belong. Intéressant. Oui. Ça me rend curieux. Moi aussi. Très curieuse. La pochette est très brune. Ah oui, elle est très... Cartonesque. Cartonesque, c'est ça. Dr. Dog, c'est... Wow, c'est Dr. Dog. C'est Tables, Taxi, Text, Triumph, Thanks. Mmh. C'est les membres du groupe. Voilà. Okay. Avec des invités tels que Brandon Cooney. C'est bon. Allez voir drdogmusic.com, drdogmusic.com ou l'étiquette parkthevan.com. Mais tout de suite, on écoute une pièce qui se nomme My Old Ways. À la chance. Au coureur. Aussi simple que ça. Exactement. Est-ce qu'on va écouter The Atari's tantôt? Oh, ben oui, pourquoi pas. Peut-être. Tranquille. Ouais. Annelle a écouté ça, ça fait quelques semaines, et puis The Atari's, faut en parler, mais oui. Ah, c'est mon signal pour arrêter de parler. Some little kid who's overgrown, the lonely one who's never been alone. But I don't ever want to go back to my old ways, cheating and creeping around. Now I don't ever want to go back to the old days, leaving the dead under. Dog. La prochaine chose. Le deuxième extrait. Mm-hmm. Keep a friend. Ouais. On va faire comme Dr. Doogie. Doogie. Oui. On va écouter Dr. Doug. Ouais. Et c'est qui Dr. Doogie? Le docteur qui t'appelle. Hein? L'ancêtre du blog. Ah, ouais. Le précurseur. Le précurseur, c'est un génie. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Je dors mieux, moins bête, c'est ça. You can call me crazy. Second. Doug. La pièce s'appelle The Girl. Et ça vient de l'album We All Belong. On a écouté plein d'autres pièces, deux autres. Là, ça n'arrêtait plus. On était comme une autre pièce, encore une autre. On aime trop ça, on en rajoute une autre. Ouais, c'est vrai, on aime bien. Donc, on a entendu en ordre My Old Ways, Keep a Friend et puis The Girl. Parlons de Dr. Doug un tout petit peu. C'est du rock psychédélique pop. Ça vient de Philadelphie. Je trouve que psychédélique, c'est beaucoup à la mode en ce moment. C'est vrai, ben, c'est très à la mode. C'est même très à la mode d'utiliser le terme oui, psychédélique. C'est ça. Bon. Psychédélique. Voilà. Philadelphie, c'est drdougmusic.com ou myspace.com/drdoug. Les membres sont, comme je le disais tantôt, Taxi, Tables, Text, Trouble et Thanks. C'est leur vrai nom. Je m'appelle Tables. Plante. Je m'appelle Table. vous pouvez aller écouter les pièces qu'on a entendues sur myspace.com/drdoug et voilà qui fait le tour. Voilà. Parfait. Donc, on continue comme ça avec nos nouveautés musicales qu'on a reçues depuis les 7 derniers jours, comme on aime le dire. On surfe sur la vague des nouveautés musicales. Ouais. Et pour ceux qui aiment la chanson coureur et qui veulent savoir quels sont les sites des artistes qu'on a écoutés cette semaine, allez voir notre site internet. L'adresse est la suivante. www.unechance.com. Oui, le super site fait par Mathieu. Adorable. Oui. Et voilà. Prochaine bête qu'on s'en va entendre. Tantôt, on parlait un petit peu de TV on the radio. Et bien là, on a reçu un groupe qui s'appelle The 1 AM Radio. Ah, ben comme quoi. Pourquoi pas? T'sais. Bah oui, pourquoi pas? C'est très radio, tout ça. Yeah! Ouais. C'est en stéréo. Ah, stéréo. Dans vos oreilles. À la chanson coureur? Ouais. Avec. Bah, vas-y, avec, continue. Non, avec une pièce qui s'appelle The Harvest. C'est pas grave. L'album s'appelle. Aucune idée, je vois rien. Tu vois rien? Ah, c'est vrai, j'ai oublié ta vue. Oui, j'ai un problème de vue. This too will pass. Imagine pas avec des lunettes, peut-être. Ah, j'en porte. T'en portes pour vrai? Mais je les mets jamais. Non, hein? J'en ai, mais je les mets jamais. Est-ce que tu les as? Non. Ah. Dommage, hein? The 1 AM radio à la chance. Au courage! Snow, the ground was frozen hard. You were to dig a hole, lit only by the glow. From hope you buried deep to see. Arrive. pushed you through the windows in our room. Your hair grew long under the arbor shade. Our love was new, but the hour grew late too soon. How suddenly that honeyed light would fade. You had the city in you, always in the way you move, where the skyline and the avenue. You had the city in you. And the way you move, with the skyline in the avenue. When the autumn came, the leaves turned one by one, till the barren trees were left to stand alone. You still felt same, you said, as since we had begun. But a longing crept into the eyes I've known. Radio à la chanson coureur. Ah! Ouais. Relax un peu. Oui. Quand même. On a entendu The Harvest et puis In the Time We've Got. Pour bien entendre, ça va être leur nouvel album de This Too Will Pass. Parlons un peu de The 1AM Radio. C'est du crunk folk. Hein? Intéressant, je connais pas ce genre. Moi non plus. Ça vient de Los Angeles en Californie. Vous pouvez aller voir the1amradio.com. Les membres sont. En fait, c'est une seule personne. Erikish Irwe. Avec l'accompagnement live de Gabriel Birnbaum, Paul Finland et Eugene Lee. Vous pouvez aller voir sur le myspace.com/the1amradio pour écouter des pièces dont aucune qu'on a entendue jusqu'à maintenant. C'est des nouvelles. Ah. Voilà. Bon. De l'inédit. Et oui, c'est ça qui est ça maintenant. Annaëlle, parlons un petit peu de The Ataris. Avec leur album When Comes the Night. Oui, When Comes the Night. C'est beau. Alors oui, c'est très très très tranquille, aussi tranquille que The One AM Radio. Ouais, on se tape ça, ça va être très bon. Eh oui, ça va être bon. On relaxe. Oui. Des guimauves sur notre chocolat chaud. Zen. À la chance. Au courage. stars have gone out, the sirens have died down, they're leaving you now, in this dark end of town, and the adrenaline takes just a sharp bitter trace, like the flush in your face, it's fading away. Ça marche. C'est beau. The Ataris. The Ataris. Hey, j'ai vraiment aimé ça. Moi. Ah, mais tant mieux. Oh, ben oui. The Ataris, l'album s'appelle Welcome the Night. C'est fou. Et on a entendu deux pièces de cet album-là. Oui. Le voilà, c'est ce que je cherche. On a entendu les pièces Whatever Lies Will Help You Rest et puis Not Capable of Love. Oh. Et oui, vous écoutez bien, c'est FU 89.1. Oui. La Radio Campus de Trois-Rivières. Exactement. C'est la Source au Courant, l'émission qui découvre les nouveautés musicales. Qui analyse, décortique et critique. Hey, t'es sorti dans l'ordre. Analyse, critique, décortique, c'est super beau. Hein, je commence à m'être rendue bonne, ça. Ben oui, commence à être rendue bonne. Ben oui, t'es toujours bonne. Ah, merci, ah, toi ouais. Aussi, toujours bon. Ah, c'est fin. Donc, vous êtes avec Mathieu et Anaël pour encore un petit peu moins que la moitié de l'émission qui nous reste encore. Il nous reste une heure et... Moi, pas du tout. Il reste une heure et dix à l'émission. Moi, il me reste 10 minutes. C'est vrai? Eh oui. C'est triste. Ah, moi, je laisse la place à Dani parce que sinon... Dani ne se sent pas délaissé du tout par nous. Non. Il va être avec nous pour la troisième heure. Tout à l'heure, il va nous faire entendre le nouvel album de R. Ah oui, un groupe que j'aime. C'est à s'en tirer les cheveux. Oui. Non, c'est pas ce genre de air là, mais quand... Oui, hein. c'est plutôt planer dans l'air. Ouais. On va terminer cette deuxième heure avec un petit peu encore d'anglo. Hein? Oui. La formation s'appelle Carnival. L'album s'appelle Temata. Il va sortir le 10 avril en magasin partout. On va entendre la pièce qui était écrite sur le CD. C'est drôle, mais en attendant, si vous voulez en savoir plus sur The Ataris, vous pouvez aller sur leur MySpace. C'est vrai. www.myspace.com/TheAtaris. C'est logique. Ou www.theataris.com. Ou encore www.unechance.com qui va avoir tous les liens plus tard aujourd'hui. Exactement. Voici Carnival avec une pièce qui se nomme Côte à la chance. Au coureur. Au coteur. Quel humour. Non. Si. Oui. C'est aussi ambiant. Hein. Oui. En tout cas, le début. Ouais. On peut pas se fier au début d'une pièce, des fois. Non. Non. Ça peut partir. Ça commence. Ça commence. C'est bien, on décrit la pièce. Elle commence. Elle finit. Elle continue. The answers here to save us. Et voilà, c'était une pièce de Carnivool à la chanson coureur. On écoute une deuxième pièce. Hein? Oui. Et ça va être la fin de la première heure. Donc, on va quitter Anaël. Ou Anaël va nous quitter. Oui. Reviens. On se calme un peu. à la semaine prochaine, Anaël. Oui, à la semaine prochaine, Mathieu. Ça me fait plaisir. Yeah. Et Dani sera avec nous pour la troisième heure. Eh oui. C'est de ma place. Bonne fin de semaine, tout le monde. Bye bye. À lundi. Bye. Oh, lundi, chaud devant la relève à 11h. Exactement. Ouais. C'est la troisième heure de La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales qui surfent sur cette vague de nouveautés. Et toujours Mathieu, Plante, salut. Dany Janvier vient d'arriver. Salut. C'est excitant ça. Hey, t'es réveillé toi? Hein? Non, du tout. Ça... Ben, en tout cas, tu parles comme un gars hyper réveillé, va te dire. Wow. Cool. Mathieu et ses speed à matin. Ça doit être le Cepacol que je prends depuis hier. Oh, il est sur le Cepacol dans un gros roche de Cepacol. C'est très facile de devenir accro à ça. Je sais pas si c'est ça pas cool. Ça rend mou, ça, je trouve. Ouais, ça rend mou, j'aime bien ça. Donc, on va écouter un petit peu de Air. J'avais vraiment hâte d'entendre Air. Ah, puis en plus, c'est excellent. Dernier album de Air. J'étais un petit peu en retard. Ouais. Ça a sorti la semaine passée. Mais j'avais le goût de l'écouter vraiment. Fait que tant qu'à parler au travers de mon chapeau. En profondeur. Exact. Oh, wow. Et justement, cet album qui s'appelle, très beau nom, c'est Air Pocket Symphony. Oh. Des petites symphonies de poche. Des symphonies de poche, oh, c'est cute. Mais ça fit totalement avec Air. Pas très électro. Non. Non. Ça sonne vraiment instrument. Beaucoup de guitare, beaucoup de piano, beaucoup de vieux synthétiseurs. Hey. Air. ouais, beaucoup de synthé, mais vaporeux. Très organique comme album. En tout cas, tu sais, des fois, on était habitué avec des tunes un petit peu plus catchy, bonbon. Ouais. Là, c'est beaucoup plus profond, c'est très relax. Je dirais, ça ressemble des bouts à quasiment à du Stereolab, tu vois, okay. Le genre. Mm-hmm. Ben, c'est pas du tout ça, là, mais ça pourrait s'écouter un album après l'autre, ça pourrait vraiment bien fitter. C'est très bien produit, bien sûr, comme Air le sait si bien le faire. Je pense que l'idéal, c'est d'aller écouter une petite pièce tout de suite. On va écouter la sixième pièce de l'album qui s'appelle Left Bank. Et tout de suite après, je vais vous réserver mon petit coup de cœur de cet album. Pas coup de cœur. Quand je dis, moi, t'es en feu, t'es en air. On fire. Ouais, exactement. Quand je dis mon coup de cœur, c'est côté pièce avec texte, parce que j'aurais pu choisir des pièces sans texte. Je me suis dit, bon, pour la chance, pour un matin, on va mettre de quoi plus facile. Peut-être qu'il y a des chances de se retrouver sur le palmarès, peut-être une autre semaine. Le palmarès. Parce que... Ah ben ouais. Tu me fais penser à Austin Powers quand Austin il passe Powers. C'est le CEPACOL, ça, oui, ça donne c'est... plein d'idées. Entre autres, ouais. Entre autres. Hein? Air. Donc Air avec Left Bank de leur album Pocket Symphony. À la chance au courrier. On s'en va écouter Photograph et peut-être même qu'on va se permettre une autre petite extension. Ah oui, c'est extraordinaire. Air avec Photograph, c'est assez bon. Mm-hmm. Comme qu'on dirait, c'est Air Celeb. Excellent. Non, là, par exemple, là, je trouve que tu vas loin un peu. J'exagère. Mais justement, Mathieu, on s'en va écouter Mère du Japon. Mère du Japon. Oh, OK. OK, c'est moi qui arrête. Ouais. Et tout de suite. Là. C'était très bon, hein? Ben oui. Et donc, c'est ça. C'était Mère du Japon de Air, de l'album Pocket Symphony. Si vous cherchez un album à vous procurer pour passer une petite fin de semaine très relax, étendu sur le divan, en faisant des sépacoles et en buvant du sirop pour la toux Vix, ben fort. Eh bien, c'est l'album idéal. Très, très bon album. Je vous le recommande. Et voilà, ça, c'est Air. Génial. Petit bloc de musique canadienne qu'on passe maintenant. Oui, c'est le sépacol qui commence à faire. On a reçu un nouvel album de Surface of Atlantic. L'album s'appelle Ephemeral As We Speak. Hein? Un disque qu'on a reçu cette semaine. Hein? Génial. On va écouter une pièce qui s'appelle Swarm. Là. Chanson coureur. Ouais. Jusqu'à... chose là-bas. Tantôt. Là. Tard le soir. J'allais dire jusqu'à 13h. OK. T'as pas ici? Ouais. On sait pas. Pas de beat. Uh-huh. Il s'en vient de bien. Hey DJ, hit that shit. Hein? Quoi? On reste dans l'ambiance apparemment. Hein? OK, mais écoutez après, ça. Tu donnes un bon coup de pelle. Pow! Oh! Celle-ci. Taking us down. De Surface of Atlantic à Sean Clark de son album True Love Anarchy. Voici No More Cruel Weddings et l'intro Silver Gulf Airstream à la chance au coureur sur C'est Fou 89.1 FM. Beside the car, radio's on, Knoxville shines, but Hank is gone. John Clark in Silver Gulf Airstreams à la chance au coureur. Parlons un petit peu de ce Sean Clark. C'est un artiste de alt country, donc du country alternatif. C'est son troisième CD, True Love Anarchy. C'est des histoires d'amour. Et puis, il y a même sur l'album un cover d'une pièce de Graham Parsons, How Much I've Lied. Et puis, ce qu'on a entendu, je disais que tantôt, que c'était la première pièce et la deuxième, c'est que la première pièce est une pièce cachée. C'est à l'envers, mais que voulez-vous. Ça s'appelait Crying on Our Anniversary. C'était la petite intro que vous avez entendu. Et ensuite, c'est The Gulf Airstream. Vous pouvez aller voir le myspace.com/Sean, S-E-A-N-L, pour son initial, et Clark avec un E à la fin. Et puis, il vient de l'Ontario. Vous pouvez aller écouter ses pièces, dont No More Cruel Weddings et un paquet d'autres sur myspace.com/Sean L. Clark à nouveau. Voilà, passons maintenant à un autre groupe qui s'appelle Kill the Lights. L'album s'appelle Buffalo of Love et on écoute tout de suite Two Sinister Gentlemen. À la chance au coureur, au 89 FM, c'est fou! Deuxième pièce de Kill the Lights, voici Skinny White Girls à la chance au coureur. We'll be right back. Kill the Lights. L'album s'appelle Buffalo of Love. On a entendu Skinny White Girls et Two Sinister Gentlemen. Et puis Danny a bien aimé. Ouais, moi j'ai bien aimé ça. Moi aussi j'ai trouvé ça très bon. À date, je trouve là, les trucs canadiens sont très très bons en ce moment. C'est vrai ça. C'est pas toujours le cas. Non. C'est quoi? Ah, c'est ça. Je cherchais c'était quoi la fin. Ok. C'est Continuous Play. Mm-hmm, on l'aime bien. Donc, regardons un petit peu ce qu'on a entendu tantôt. On avait entendu un petit peu de Surface of Atlantic. C'est de l'ambiant indie rock de Montréal. Tu sais, ce qui était doux et calme, là? C'est montréalais, j'aime ça. Et puis, vous pouvez aller voir surfaceofatlantic.com. Et moi, on sont Dave Douville à la voix et la guitare, Frédéric Bugeaud à la batterie, François Graham au piano et le clavier, et Mathieu Beaumont à la bass, et Marco Gervais à la guitare. Vous pouvez aller entendre leur pièce sur myspace.com/surfaceofatlantic. On avait entendu les deux pièces, Swarm et puis Lights Out. Ensuite, on a entendu Sean Clark avec No More Cruel Weddings et Silver Golf Airstream. Il est sur le myspace.com/SeanLClark. Et puis là, ce qu'on va entendre, c'est You Say Party, We Say Die. Drôle de nom de belle. Je pense que ça va faire un bel changement avec ce qu'on vient d'entendre. Un peu, hein. Est-ce que tu mises sur du peut-être punk? Ben, ça ressemble à quoi d'un peu plus énervé, ouais. Tu mises bien parce que c'est du punk new wave de Vancouver en Colombie-Britannique. Ils sont sur le myspace.com/. You say party, we say die. J'aimais mieux le titre de l'autre projet, Surface of Atlantic. Ouais, hein, c'est vrai. Beaucoup plus planant. Bon. En tout cas, on va aller écouter ça. On va voir ce que c'est. On va se garder. Je fais mon vieux chialeux. Ben, tiens, on écoute tout de suite la pièce 5-Year Plan à la chance. Au coureur. Vif. Ah oui? Ça sent bon, ça. C'est vrai, hein? Un genre de sauce ou... Du gravy. Gravy, la gravy. Gravy boat. D'interrompre ça comme ça, là, ça fait peut-être un petit peu bizarre, mais je crois, je suis pas sûr, mais je vais juste vérifier pour être certain parce que sinon ça va l'air vraiment épais. Hein. Mais je crois que ce qui est en train de jouer là, c'était la même pièce qu'on avait entendu tantôt. Mais c'est pas écrit sur le CD, donc c'est difficile à savoir. Enfin, on va essayer l'autre, et puis si ça fonctionne, ben, vous allez être bien content, vous allez rire, vous allez faire yeah, yeah. Non, tu sais, fallait le faire, je vais pas passer deux fois en même temps, donc c'est vrai. En tout cas, amusez-vous avec ça. Là, t'as reconnaissé ça, là? Je sais pas, là. Non, c'est ça. OK. Ça, j'avais raison. C'est bien... lui, c'est le bon. c'est Party We Say Die. L'album s'appelle Lose All Time et la pièce s'appelle Five Year Plan, qui n'est apparemment pas un remake d'une pièce des Dead Kennedys. Si on me dit bien ça. D'accord, donc voilà, ça fait le tour de cette formation-là. On a parlé un petit peu d'eux tantôt. MySpace.com, Barbic, You Say Party, We Say Die. Ça va être malheureusement la fin de la chance au courant pour cette semaine. On a entendu un paquet de bonnes choses aujourd'hui. Du 0 à 1. Hein? Du Alexandre Belliard, Les Vautours, Daniel Boucher, Alexis Loranger, Trois Gosses du Sofa. En anglais, on a entendu du Kings of Leon, Dr. Doug, The 1AM Radio, The Authorities, Carnival, Air, évidemment, Surface of Atlantic, Sean Clark, Kill the Lights et You Say Party We Say Die. Si vous voulez voir les liens des artistes, allez sur le site de l'émission au www.unechance.com. Une chance qu'on a, unechance.com. Ah, oui. C'est vrai. Dany, on te retrouve à E3 2.0. Ben oui, mercredi, 15h. Oui, la bonne heure au bon moment. C'est ça. Moi, je vous retrouve à la connexion de l'émission d'informatique et de jeux vidéo les jeudis à midi et les mardis à midi. La chanson courante est en direct le vendredi à 10h, en rediffusion le samedi soir à 17h. Et je vous retrouve aussi avec Cynthia. Ce soir, cette semaine, seule avec Cynthia au Panaras, c'est fou, les vendredis soirs à 17h, en rediffusion les jeudis suivants de 13h à 16h. C'est mieux de faire une bonne job. C'est fin. De la part de Danny Janvier, de Anaëlle Huyez et de Mathieu Plante, faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance. Bye, donc.